J'ai le goût des remords, j'ai le parfum des regrets. Oui, je sais, j'ai eu tort d'avoir tout gâché, mais c'est fait. Essayez encore, c'est mieux que de dire je m'en vais. Notre amour n'est pas mort. J'ai beau essayer de t'oublier, j'ai beau essayer de t'effacer, j'ai beau essayer de t'oublier, baby boo, j'aime ta mère, sous longinha, amor. E agora já bem pra odiar, tá crefado. J'ai le parfum des regrets. Oui, je sais, j'ai eu tort.